Charles Baudelaire, Les fleurs du mal, Spleen et idéal, 34, Le chat. Viens, mon beau chat, sur mon cœur amoureux, retiens les griffes de ta patte et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux mêlés de métal et d'agate. Lorsque mes doigts caressent à loisir ta tête et ton dos élastique, et que ma main s'enivre du plaisir de palper ton corps électrique, je vois ma femme en esprit, son regard, comme le tien, aimable bête, profond et froid, coupé fin comme un dard, et des pieds jusque à la tête, un air subtil, un dangereux parfum, nage autour de son corps brun.